L'amoureux, par Lucie de la rue Mardreuse. C'était la nouvelle passion de la princesse, elle faisait de la peinture. Comme elle était riche et libre, elle décida donc d'aller s'installer avec ses gens pour tout l'été dans une campagne retirée où personne ne la découvrirait. Abandonnant sa villa de Deauville, la voilà dans un coin vert, non loin de Paris et cependant désert, et qui peint du matin au soir. Mon Dieu, cela ne faisait de mal à personne. Elle était assez cultivée et spirituelle pour ne pas se croire du génie. Pour dire le vrai mot, elle bafouillait gentiment dans la palette. Et parce qu'elle faisait des meules de foin bleu, un ciel violet et des lointains oranges, cela tout de même avait l'air de quelque chose. Or, il n'y avait pas 8 jours qu'elle travaillait, ayant tout oublié, comme il arrive chaque fois qu'on se mêle de peindre, et quel que soit le talent qu'on y met, elle se mit à remarquer le manège d'un certain paysan qui décidément tournait autour d'elle. Qu'est-ce qu'il me veut à la fin, celui-là? Est-ce que je le gêne? La princesse était somptueuse, avec de grands yeux gris, fatals et malicieux, des cheveux chimiquement blonds, une silhouette de belle grecque, malgré ses 40 ans, et les toilettes qu'inventaient pour elle de sublimes couturiers étaient peut-être la moitié de son charme célèbre. Comme toute dame bien née, simple et polie, avec les petites gens, elle parla la première ce matin-là. « C'est bien beau, votre pays, monsieur. » L'autre, devenant pourpre à ces mots, s'avança d'un pas. C'était un grand rustique roux et rouge, 50 ans sans doute, et dont l'air d'autorité montrait qu'il était un maître. Quelque gros fermier du voisinage, probablement. « Est-ce que je serai sur ces terres sans le savoir ?» se disait la princesse, « et va-t-il oser me chasser ?»« Si le pays vous plaît, c'est déjà ça de prix, » répondit cet homme en roulant fortement son air. Et les yeux baissés, il cessa par timidité de regarder la belle créature. La conversation resta là pour cette fois, mais le lendemain, la princesse trouva son fermier qui l'attendait. « Bonjour, madame. »« Bonjour, monsieur. » Ce ne fut qu'au bout d'une semaine. À quelques pas, dans l'herbe, il y avait un matin disposé contre la haie avec un curieux sens artistique, une sorte de couronne faite de pêches, de prunes et de pommes dans leur feuillage, belle nature morte vers laquelle elle cligna, comme font les maîtres. Alors, avalant sa salive, le paysan parla. « C'est pour vous, vous savez. » Elle se récria, confuse et tout étonnée. Cette offrande quasi païenne l'éclairait soudain. Le paysan, hélas, était amoureux d'elle. Elle soupira. Même à la campagne retrouvait cette fatigante rengaine. Pourtant, le pittoresque inattendu de l'aventure finit par l'amuser malgré tout. Un peu gênée tout de même, elle se dit que, dès son tableau fini, la place qu'elle choisirait serait à l'autre bout du pays. Or, le lendemain, l'offrande renouvelée se composait d'un poulet et d'un lapin fraîchement immolé et porte encore plus mes poils. « Il est temps que je disparaisse, » conclut-elle. Devina-t-il sa pensée? La déclaration vint directe et sans détour. « Ah, il faut que je vous le dise à la fin. Quoi ?» demanda-t-elle saisie. Il prononça très vite. « Je voudrais faire une partie avec vous. » Elle ne se cabra pas sous le choc. Sa curiosité de psychologue était plus forte que son scandale. Cette blasée pénétrait soudain dans un monde inconnu. « Et comment cela ? » fit-elle en pressant un tube sur sa palette. Sourdement, elle reprit, sans oser avancer. « Je ne pense plus qu'à vous. C'est terrible. Tenez, il fait beau, n'est-ce pas ? Il est 4 heures. Eh ben, c'est comme si j'avais pas encore vu le soleil de la journée. » Et soudain, emporté, disant tout à la fois, « Tenez, hier, dans la haie, j'ai vu une couleuvre qu'affûtait un oiseau. Ça n'a pas duré longtemps, allez, il a fallu que j'y aille. Il est descendu et puis elle l'a eu. Voilà ce que vous m'avez fait. » Il reprit en roulant son air. « Ah, vous m'avez charmé. » Toujours sans bouger de sa place, il continua sur le même ton assourdi. « Voulez-vous, quoique paysan, j'ai déjà rendu ce service-là à bien des femmes, allez. » Effrayée, elle le regarda. « Que vous êtes belle, » gronda-t-il, et jamais elle n'avait sur elle senti peser d'admiration plus sincère. Cependant, il achevait, exalté. « Et puis, vous devez peser lourd, bon sang. » La princesse s'était levée, sa documentation était suffisante. Et voici que, désolé, les yeux pleins d'angoisse, il la suivit, sans songer à lui porter son petit bagage, oubliant même derrière lui le lapin et le poulet de sa passion. Aux environs de la petite maison qu'elle avait louée, il la quitta brusquement. « Ouf !» s'exclama-t-elle. Elle resta 2 jours sans peindre. Allait-elle voir son plaisir gâté par ce rustre? Le troisième jour, partie dès le matin, elle s'enfonça dans la campagne, loin et dans une direction opposée à la première. « Il ne viendra pas me chercher là. » Mais il n'y avait pas une heure qu'elle peignait, il apparut. Elle vit tout de suite qu'il avait ses habits du dimanche, sans lui dire bonjour. « Je suis riche, je peux faire de la dépense, j'ai 12 bêtes à cornes, mes labours vont jusqu'à la Seine. » Là-dessus, un beau geste d'orgueil, puis « Partout ici, c'est mon bien. Je pourrais vous emmener à Corbeil ou même à Paris. » Il osa cette fois s'avancer d'un pas. « Voulez-vous ? Si vous ne voulez pas à la fin, je ne sais pas ce qui va arriver. » Et ce fut pour elle, brusque, la peur qui fait pâlir. Il avait fait un bond qu'il retint, suprême recul devant une classe qui n'était pas la sienne, rugissant derrière cela comme une bête en cage. Elle comprit qu'il fallait tout de suite dire quelque chose pour se tirer d'une mauvaise affaire. « Eh bien, bégaya-t-elle, demain, attendez-moi sous le grand pommier. Vous savez où j'étais l'autre jour ?» Le lendemain, elle prenait le train pour Paris, mais comme elle ouvrait la portière de son compartiment, elle le vit, essoufflé, surgir devant elle. « Alors, le pommier ? » halta-t-il égaré. Elle enjamba, referma la portière et répondit penchée. « À Paris, mon ami, les pommiers s'appellent des ormes. » Mais il ne put pas comprendre cela. Comme le train s'ébranlait, frémissant, désespéré, terrible, il lui montra le poing, ce qui est encore un signe d'amour. C'était L'amoureux, par Lucie de la rue Mardrus.